Changer son rapport aux êtres décédés, c'est le titre de l'enregistrement présent qui est fait lors du mois de septembre de l'année 2025. Cet enregistrement-là est en lien avec le rapport que j'ai par rapport aux gens qui meurent, entre autres, dans ma famille. Pour des raisons de convention sociale, lorsqu'une personne qui est membre de notre famille décède, au niveau de la bienséance, c'est bien vu d'aller assister à ses funérailles. Par contre, le point que je veux faire ici, c'est que moi, j'ai eu récemment dans ma famille un oncle qui est décédé, qui était le frère à mon père, mais que je n'ai pas fréquenté au cours des mois, des années, dans le fond, précédant sa mort. Ce n'est pas quelqu'un que j'appelais au téléphone non plus, donc je ne le voyais pas en personne. Je le contactais par téléphone. Je ne contactais pas par téléphone. Je n'avais pas de lien avec lui. Fait que là, suite à son décès, j'ai été invité par un oncle qui est son frère à des funérailles. Puis là, j'ai dit que j'y allais pas parce que, dans le fond, je ne l'ai pas fréquenté. Ça serait hypocrite de ma part d'y aller puis dire que ça m'attriste son décès. Je ne l'ai pas connu. Je veux dire, à un moment donné, il y a des limites à l'hypocrisie sociale qu'on peut avoir. J'ai pas été aussi peut-être direct que je peux l'être dans le cadre d'un enregistrement, mais j'ai dit poliment, mais regarde, je ne l'ai pas connu, je ne l'ai pas fréquenté. Je me sens pas nécessairement à l'aise d'y aller. Un des aspects qui m'achale dans la vie, c'est que des fois, il y a des funérailles par rapport à des gens qui meurent, puis il y a des gens qui n'ont pas nécessairement connu ces personnes-là, qui vont se présenter sur place. Bon, si la personne accompagne son conjoint qui connaissait l'autre personne, ainsi de suite, je peux comprendre, mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a des limites aussi à ça. Si quelqu'un fait un discours suite au décès d'une autre personne, puis elle ne l'a pas connu, elle ne peut pas dire que pour elle, a été une personne d'une grande intelligence, d'une grande bienveillance, etc. Elle ne l'a pas connu. À un moment donné, il y a des limites. Donc, en fait, ce que je veux dire aussi, c'est que présentement, ma vie change. Je suis confronté, en vivant concrètement sur Terre, à des contraintes associées aux besoins de base qui doivent être comblés, puis le fait qu'on vit dans une société qui est régie par l'argent, l'économie, puis du temps, c'est de l'argent. Donc, c'est sûr que ma spiritualité est moins grande qu'avant. Donc, c'est pas parce que quelqu'un est mort puis c'est un membre de la famille que à mes yeux, je dois nécessairement aller aux funérailles. Si j'ai connu la personne, j'ai noué un lien avec et de participer au rituel du funérail, dans le fond, m'aide à faire mon deuil, ou si j'ai accompagné quelqu'un de mon environnement à ce niveau-là, donc si quelqu'un de la famille de ma conjointe décède, ou quelque chose comme ça, c'est autre chose. Mais le point que je veux faire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont des pertes d'énergie. Comme là, si j'aurais été au funérail de cet oncle-là, il aurait fallu que je me déplace en auto. C'est à peu près 2h40 de route. Naturellement, il y a un frais lié à l'essence. Ensuite, il a fallu que je dîne sur la route, un frais pour le repas. Ensuite, il y avait la célébration. Ensuite, il y avait un souper au restaurant. Donc, un autre frais. Ensuite, de l'essence pour revenir. Je regarde les choses d'une manière très calculatrice, capitaliste. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde capitaliste, puis on n'y échappe pas à différents niveaux. Quelqu'un peut avoir de très bonne volonté, etc. Mais à un moment donné, comme ça a été le cas en 2023, j'ai été confronté à un problème de santé dans mon cas. J'en reviens souvent là-dessus dans mes enregistrements, mais ça a été une chose, entre autres, qui a participé fortement à me déspiritualiser, dans le sens qu'à un certain niveau, ce problème de santé, parce que ça m'a fait voir les limites de la spiritualité. Quelqu'un de bonne volonté peut vouloir guérir d'un problème de santé, mais ça se peut que ça ne se fasse pas automatiquement. Mais le fait que la personne bénisse peut aider dans une certaine mesure à atténuer, etc. Que la personne bénisse ou bénisse pas, habituellement, elle finit par mourir pareil. Donc, le point que je veux faire aussi, c'est que dans nos vies, on a des pertes d'énergie. Donc, moi, d'assister là, je ne voyais pas l'intérêt puis l'utilité, puis je voyais ça comme une dépense. L'oncle, je ne l'ai pas connu. Je ne ferais pas semblant que son décès m'attriste. Je ne l'ai pas connu, je ne l'ai pas connu. Je ne suis pas comme ces journalistes de TVA, de bulletins de nouvelles populaires qui vont dire, bon, on a appris le décès d'une jeune fille qui a été victime d'un féminicide, qui a été tuée. C'est une femme, c'est horrible. Tout le Québec a été ébranlé d'apprendre son décès. Tout le Québec a été choqué d'apprendre sa mort. Mais non. Arrêtez d'inclure tout le monde là, avec vos drames sociaux. Certes, c'est pas souhaitable sur le plan humain que, par exemple, une jeune fille se fasse poignarder dans le métro ou qu'il y ait quelque chose de grave qui arrive. Ça, j'en conviens. Mais là, arrêtez de dire que tout le monde est ébranlé sur le plan émotif parce que ça fait partie du processus de vampirisation de nos énergies vitales puis notre dilapidation des énergies vitales. Pour ce qui est de l'oncle en question... Je l'avais déjà rencontré à quelques reprises il y a plusieurs années, puis on n'était pas sur la même longueur d'onde sur le plan vibratoire. Puis si j'aurais été moi-même avec lui, j'aurais créé des chocs énergétiques. Bon, son fils, par politesse, m'a envoyé une carte d'invitation, à assister à la journée de funérailles avec une calligraphie impeccable. Là, c'était vraiment impressionnant. Il y a une très belle sensibilité spirituelle, mais... Je n'ai pas reconnu chez lui, ni même son père, la vibration du supramental, la force de volonté, l'intelligence vive, aiguisée, l'esprit critique radical. Non, c'était des gens qui étaient dans la religion. Puis c'est correct aussi, là, c'est, chacun a à vivre ses choses, mais je ne suis pas sur la même longueur d'onde. Si j'aurais été pleinement moi-même avec lui, j'aurais créé des hosties de choc énergétiques. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Fait que... D'aller à ses funérailles par rapport à des gens spirituels, plutôt doux dans certains cas, mou. Premièrement, il aurait fallu que j'aie été là-bas puis je tienne profil bas puis m'en tenir à des généralités, mais ça apporte rien. Ça les fait pas, ça change pas leur taux vibratoire que je leur parle de même, puis, mais en même temps, ça les protège de l'intensité que je peux avoir. Donc, c'est pas mauvais, mais. Ça sert à rien. C'est comme des conversations vides. J'aurais été là sous forme coquille vide. C'est pas intéressant. J'aurais souhaité poliment mes condoléances dans l'optique de maintenir du lien social, mais avec des gens que je vois pas ou très rarement. Donc, je voyais pas l'intérêt, l'utilité. Sinon, ben, par rapport à ça, ben, j'ai écrit sur papier... Une lettre à mon oncle décédé. En fait, je pars du principe que, dans le fond, nous sommes séparés de rien. Notre conscience est autant en contact avec les vivants que les morts. Et que, dans le fond, j'y ai écrit que s'il voulait que j'assiste à ses funérailles, donc prévues au mois de septembre, je lui ai demandé de me faire parvenir un signe sans équivoque. Comme un rêve conscient et ou une guérison miraculeuse à mon problème, dans le fond, de peau de pénis, c'est-à-dire que je suis atteint de lichen sclérosé atrophique qui peut faire en sorte que si je ne vois pas, ça peut dégénérer puis mon urètre bouche 2 jours avant l'activité. Soit que j'ai un rêve conscient avec lui puis il me parle de la pertinence d'assister à l'activité, qui m'en fait une démonstration ou qui m'amène une guérison. Puis là, à ce moment-là, je vais me déplacer. Qu'il me fasse un signe, qu'il fasse un mouvement dans ma direction pour me confirmer la pertinence que moi, j'en fasse un dans le ciel. Naturellement, je n'ai pas eu de rêve conscient l'impliquant, ni de guérison miraculeuse par rapport à mon problème de peau. Donc, je n'ai pas été la fin de semaine dernière au funérailles associé à cet ongle-là. Il y a des gens qui peuvent écouter mon enregistrement, ils vont dire « t'es horrible, t'es ignoble, tu fais du marchandage avec un oncle décédé avec sa conscience. » Ben oui, mais c'est parce que je vis en contexte capitaliste, du temps c'est de l'argent. Le temps que j'utilise, en fait, le voyagement en auto, les repas, si j'ai ramené ma compagne, ma fille aussi, ça amène des repas supplémentaires, ben c'est de l'argent que j'utilise pas pour investir en crypto-monnaie pour m'enrichir. Il y a des gens qui vont dire, ben là, t'es mercantile, t'as des rapports transactionnels avec les êtres décédés, certainement. Certainement parce que je suis pris à composer avec un monde lié à de l'argent. Si les êtres décédés, dans le fond, me donnent des guérisons miraculeuses, il y a au problème de peau que j'ai, Mais là, je suis content là, en passant, mon état est stable, mais c'est parce que j'ai beaucoup souffert en 2023 quand mon urètre était sur le point de boucher, puis à chaque fois que j'urinais, ça me faisait mal. J'en parle souvent dans mes enregistrements. Je sais qu'il y a des gens qui sont écœurés que je m'entende de ça, mais ça a été mon choc de vie qui m'a amené plus loin dans la déspiritualisation. Même aussi mon rapport au niveau de la conscience supramentale. Parce que les gens, quand ils sont spirituels, vont dire ben, faire de l'argent, c'est pas beau, faut que tu pries les êtres qui sont décédés pour avoir des guérisons. Si ça marche pour eux, tant mieux. Mais si ça marche pas, ben faut avoir l'argent. Comme là, je vais voir au mois d'octobre mon urologue, ça me coûtait 220 $ pour une consultation qui est de suivi qui dure à peu près 10 minutes. Lui, il n'y a aucun problème de spiritualité à charger. Donc, tant mieux pour lui, s'il peut vivre décemment là, de son travail. Ce n'est pas une question. Là. Les gens n'ont pas tous à faire des vœux de pauvreté, mais c'est qu'il y a des limites à la spiritualité. Puis, mon rapport avec des êtres décédés ou la conscience supramentale est dans un rapport à un certain niveau transactionnel. Puis, je suis dans un engrenage qui m'amène à investir des choses que je ne suis pas nécessairement en accord, mais je suis pris dans une dynamique mercantile qui m'échappe, dans le sens que, je vous donne un exemple concret, avant que j'aie mon problème de peau, je n'étais pas à l'aise avec, dans le fond, des entreprises américaines qui sont sur le plan éthique, en relation avec, par exemple, la production d'armes ou de la technologie de contrôle. Mais quand je regarde les choses avec ma conscience ou que les forces spirituelles ne vont pas nécessairement pallier à tous nos besoins, des fois j'ai l'impression qu'ils ont laissé tomber certains êtres humains ou qu'ils n'ont pas la force de répondre aux besoins des êtres humains. Ça, c'est un autre aspect. Peut-être que du plan de réalité, par rapport à la conscience de mon oncle décédé, il n'y a pas la force de me transmettre l'énergie nécessaire pour la guérison. Mais à ce moment-là, s'il est décédé et sa conscience existe toujours, ben il peut faire de la sous-traitance parce que chaque être est en contact avec d'autres êtres. Donc, ils peuvent faire certaines choses. Tu sais, mais le point que je veux faire, puis je vais essayer d'être clair, c'est que présentement, j'investis dans des entreprises. Prenons par exemple Palantir. Palantir, c'est une entreprise qui a été financée par la CIA qui vise à utiliser l'intelligence artificielle pour le traitement de données et d'informations à des fins gouvernementales ou des entreprises privées pour faire prendre des décisions. Un exemple de décision qui sont prises avec Palantir, c'est que Palantir, dans le fond, la technologie a été utilisée dans le cadre du projet Lavender, donc lavande en français, en Israël, visant à identifier les gens à tuer, donc à éliminer comme étant des terroristes. Donc, l'intelligence artificielle va traiter des grandes quantités de données pour déterminer les cibles de gens que ce serait, par exemple, des membres du Hamas à éliminer. Donc, on utilise l'intelligence artificielle pour déterminer les gens qui vont être éliminés par la suite par des soldats là, israéliens. C'est sûr qu'on est très proche que ce soit l'intelligence artificielle qui les élimine d'une manière automatisée. Est-ce que je suis d'accord avec cette technologie-là? La réponse, c'est non. Mais est-ce qu'elle connaît une grande croissance? Bien, Palantir vaut au-dessus de 300 milliards de dollars américains en termes de valorisation. Donc, est-ce que c'est une entreprise, sachant que les gouvernements veulent contrôler l'humanité, qui risque de prendre l'ampleur? La réponse, c'est oui. Est-ce que le fonds négocié en bourse se rapportant à Palantir d'Arvest donne des bons dividendes? La réponse, c'est oui. Est-ce que, dans le fond, d'investir là-dedans, strictement sur le plan économique, c'est une bonne idée? La réponse, c'est oui. Par contre, quand on est spirituel, on va dire, on n'investira pas là-dedans. Puis telle l'autre entreprise, a fait de la pollution, on n'investira pas. Ouais, mais finalement, on n'investirait pas nécessairement du tout. C'est ça le point. Fait que là, c'est un petit peu le dilemme moral, mais là, si on n'investit pas pour faire de l'argent à la bourse où on n'a pas une vision mercantile de la réalité à un certain niveau, puis on se ramasse avec un problème de santé, puis on n'a pas l'argent pour aller voir le médecin, ou on est laissé pour compte par un système public en décrépitude, c'est nous autres qui est dans la merde. Tu sais, moi, j'ai mon instinct de survie, dans le sens que, puis par rapport à mes proches, que ce soit ma compagne, ma fille aussi, que à quelque part, je suis pris dans un engrenage que si je n'ai pas le support des êtres spirituels, ben, je suis obligé de vivre à un certain niveau avec un esprit calculateur pour être capable de répondre à mes besoins puis faire face aux problèmes liés au système. Donc, la spiritualité a ses limites. Tu sais, quelqu'un qui dit « Ah, ben je vais aller assister aux funérailles pour faire plaisir à des gens de la famille que je vois pas. » Puis je vais tout simplement être là pour dire bye-bye. Ouais, mais est-ce que ça apporte quelque chose de créatif? La réponse, c'est non. Puis eux autres peuvent même voir ça plus stressant s'il y a plus de monde parce que ça représente plus de gestion. Puis habituellement, ces gens-là, quand il y a des gens qui décèdent pas à tous les jours, sont pas habitués. Puis, quand je regarde les choses d'une manière très, très, très stricte, parce que je suis confronté, je lis beaucoup les livres ces temps-ci de Yuval Noah Harari. C'est un écrivain qui est athée. Bon, ben, lui, tout ce qui est spirituel, à quelque part, c'est lié sur de la croyance, sur de l'imaginaire collectif partagé entre des individus qui vont les amener, dans certains cas, à collaborer en fonction de certains agendas. La vision qu'il a, parce que pour lui, que la croyance en Dieu, au dollar américain ou aux crypto-monnaies, tout ça, c'est des éléments auxquels les gens donnent de l'importance en fonction du consensus intersubjectif qui va servir à donner de l'importance à certains éléments, mais c'est lié en fonction de construction sociale. Donc, pour lui, Dieu n'existe pas en soi. Même chose par rapport à l'argent sans conscience humaine pour en nourrir sa valeur. Même chose pour la valeur qu'on peut donner à des crypto-monnaies, ainsi de suite. Donc, de sa perspective, ça revient à une vision très terre-à-terre des choses. Puis des fois, je suis obligé, avec les années, de plus de l'avoir en disant, ben, à un moment donné, la spiritualité, ça a ses limites. Les êtres spirituels, soit que dans le fond, d'une perspective comme Yuval Harari, tout ce qui est dit par rapport à eux, c'est de la fabulation, même chose pour le supramental, que c'est juste l'argent ou la capacité de répondre à des besoins physiques qui est fondamentale. À mon avis, il y a plus que ça qui existe, mais s'il y a plus que ça qui existe, puis ces êtres-là ou ces forces-là n'interviennent pas directement pour améliorer le sort des êtres humains, alors que les êtres humains sont confrontés à des enjeux sur le plan matériel ou physique, il y a une crise de problème. Moi, j'ai de la rancune par rapport à l'esprit, à un certain niveau, aux êtres spirituels. Si je leur demande des choses, puis je les ai pas, bon, si je demande d'avoir une grosse maison, une auto de luxe, une Lamborghini, parce que je regarde des fois des gens, des investisseurs de la crypto, il y en a qui vont se présenter là, dans des vidéos en exhibant là, leur auto de luxe, la grosse maison, puis en faisant miroiter que si on s'abonne à leur club, à leur formation, que nous aussi, on peut avoir des autos de luxe. Il y en a un influenceur, il a 3 autos de luxe, puis il fait exprès, là, il fait dans une vidéo, il dit « Ah, aujourd'hui, là, c'est laquelle de mes 3 autos que je vais prendre? » Ah, je vais prendre celle-ci. Puis là, il se présente en auto de luxe. Puis là, pour laisser croire que si on suit ses formations, par la suite, nous autres aussi, on va avoir les autos de luxe, la grosse maison. Mais dans mon cas, ce qui m'amène à être obsédé par l'argent ou à investir en crypto, c'est pas d'avoir des autos de luxe ou la grosse maison, c'est d'avoir des soins de santé décents. C'est sûr que sur YouTube, si je fais des vidéos puis je parle de ça, on s'entend que j'attirerai pas la foule. Ce que les gens veulent, c'est le rêve. Le rêve d'être riche, d'avoir la maison, etc. Moi, ce que je veux, c'est un rapport de force intelligent avec l'occulte, que ce soit les êtres décédés, l'esprit, les êtres sur le plan supramental, tous les niveaux, puis avoir une santé décente pour moi-même, être capable de fonctionner dans ma réalité. Tant que j'ai mon problème de santé, d'urètre, ça m'a raffourci dans un esprit calculateur puis capitaliste. C'est ça que ça a fait. Puis les constats que je fais sont vraiment pas roses. Parce que quelqu'un pourrait dire « Ouais, mais t'investis dans des entreprises que c'est pas nécessairement humanitaire. » Mais c'est sûr, c'est pas des organismes à but non lucratif, celles qui figurent sur le Nasdaq 100, ils sont là pour l'argent. Puis là, les gens vont dire « Ah, c'est pas beau d'être pour l'argent. » Ouais, mais c'est dans un monde qui est régi par l'argent, puis si ça te prend ça pour des soins de santé décents, à un moment donné, puis les aides spirituelles ou même un supramental ne pourvoient pas à tes besoins à ce niveau-là. Donc, pourquoi te soumettre à ces réalités-là ou les mettre sur un piédestal? Donc, si la personne est concrètement pris avec un problème de santé qui ne se règle pas, à un moment donné, il y a des hosties de limites. Donc, mon rapport spiritualisé que j'avais avec ma source, l'esprit, ou les êtres angéliques ou les êtres spirituels, a ses limites. Donc, c'est ce que je voulais mentionner de plus en plus avec le temps. Si dans l'avenir, il y a d'autres personnes qui décèdent dans ma famille, c'est des gens que je ne les connais pas, je ne me sens pas obligé d'aller assister à leur funérailles. Je peux même dire, ben écoutez, dans le fond, je trouve ça regrettable que telle personne est décédée. Je vous offre mes sympathies. Je vous souhaite, dans le fond... que tout aille bien pour vous, etc., suite au décès, que, dans le fond, sa conscience repose en paix. Ça, c'est un souhait publiquement, politiquement correct. Mais dans les fonds, je peux sortir mon crayon et dire, est-ce que telle personne, sa conscience va résider en paix? Ça peut dire, non, Chris, la personne n'est pas fusionnée avec l'esprit, donc elle doit être épurée sur le plan mental, donc possible... Il doit y avoir un travail qui doit se poursuivre. La personne n'est pas ajustée, elle n'est pas ajustée. Donc, elle va être travaillée par des forces. Puis, à un certain niveau de ma contestation des forces, je peux faire partie du travail que les forces exercent sur moi. C'est tordu, mais c'est ça. Puis, l'esprit capitaliste que j'ai peut, en m'amenant à prendre ma finance en main, ça fait partie de mon rapport de force avec le culte en disant, ben là, c'est pas parce que quelqu'un est décédé que puis tous les gens de ma famille y vont qu'il faut que j'y aille. Pas parce que quelqu'un se jette en bas du pont que moi aussi, il faut que je me jette en bas du pont. On a des ressources limitées sur la terre, puis une des ressources limitées, c'est l'argent. Là, les gens spirituels vont dire, c'est pas beau de vivre pour l'argent, mais prends la même personne, puis dans le fond, là, je suis bien curieux de voir qu'est-ce qui va arriver avec mon cousin qui a fait vie de pauvreté en étant dans le bouddhisme. Bon, il est dans la quarantaine, c'est pas trop pire présentement, mais quand il va avancer en âge, il a des problèmes de santé. Cataracte par rapport aux yeux, problème de dos, problème d'urètre ou de prostate. Si la prostate bouche où il y a des problèmes de jet urinaire, puis ça y prend une opération, puis ah, ben, finalement, ben, dans le privé, il est pogné à attendre un paquet d'années où il se blesse un genou, puis ça y prend une opération, que ça vaut 30 000 $ au niveau de l'effritement du cartilage par rapport au genou, ben, si t'as pas l'argent, tu souffres. C'est ça la réalité concrète. Peut-être qu'un jour, à des fins pédagogiques, si j'ai une tante, elle était croyante, elle voulait être religieuse, une bonne personne, une personne spirituelle au Québec. Bon, ben ça fait des années qu'elle est en CHSLD, donc résidence pour personnes âgées, puis elle, littéralement, est dans la marde. Dans le sens que, de par ses croyances religieuses, l'euthanasie, c'est pas beau. C'est une chrétienne catholique, elle voulait être religieuse, donc pour elle, de se faire euthanasier, c'est pas beau. Par contre, au quotidien, elle a la difficulté à se lever debout ou fonctionner. Fait qu'il faut qu'une préposée au bénéficiaire aille dans sa chambre pour aller aux toilettes. Si elle n'est pas là, ben, soit qu'elle se retient ou elle fait ses besoins dans une culotte de continence. Puis elle baigne dans son urine puis ses excréments. Faute de ressources. Mais s'il y avait de l'argent, ben, elle pourrait se payer quelqu'un qui pourrait l'accompagner lorsqu'elle a besoin d'aller aux toilettes plutôt qu'attendre après une préposée au bénéficiaire qu'on ne sait pas si elle va arriver. Puis ça fait des années que ça dure. Mais là, c'est sûr que ça prend des fortunes, si tout dépendant. Mais, tu sais, je regarde ça, dans un sens, c'est une aberration. Elle, ça fait... ça doit faire au-dessus de 16 ans qu'elle est en CHSLD, puis elle ne meurt pas, mais dans sa croyance que l'euthanasie, c'est pas beau, etc., ou se laisser mourir, c'est pas beau, ben, je pense que c'est ce qui la garde en vie, puis sa croyance en Dieu, puis la prière. Elle voulait être à la base une religieuse. Elle a des problèmes de santé, naturellement, les religieuses n'ont pas accepté. Fait que c'est son destin tragique, mais son destin tragique est éducatif pour moi en réalisant que ça joue beaucoup sur une question d'argent dans la vie. C'est une dimension que, avant mon problème de peau qui m'a amené à dépenser de l'argent au privé, me préoccupait pas autant, mais là, ça me préoccupe plus en voyant les limites du système. Puis les systèmes spirituels, bien beau qu'elle aille à tous les jours, ben peut-être pas à tous les jours, mais à toutes les semaines à la messe, ou de regarder qu'elle regarde la messe à la TV, mais si ça guérit pas, ça guérit pas. Puis là, il est pris dans une situation qu'elle peut pas travailler, elle peut pas se refaire financièrement, puis elle est pris dans un contexte qui est pas nécessairement agréable. J'observe ça. Si elle serait très riche, ben, elle pourrait se payer quelqu'un qui pourrait l'accompagner. C'est sûr que si je dis aux gens, ben, ça peut être intéressant d'investir pour tout simplement être capable d'avoir des soins décents à la vieillesse, je pense que ça ne sera pas populaire. Par contre, de faire miroiter comme des leaders dans le domaine de la crypto que vous n'allez pas avoir la maison de luxe puis l'auto, je pense que ça risque de plus avoir du succès comme stratégie de vente. Mais dans les faits, moi, ce qui m'importe, c'est ma qualité de vie. Donc, dans ma vie, que j'ai pas d'auto de luxe, que j'ai pas de maison, château avec vue sur l'océan ou à Bali, là, tu sais, je pense entre autres à un des leaders influenceurs dans le domaine de la crypto. Là, il achète des villas à Bali, puis des beaux endroits là-bas avec la plage, la végétation exotique. Ben oui, mais tant mieux pour lui. Regardez, c'est bien, mais le point, c'est que moi, dans mes priorités de vie, c'est tout simplement un état de santé décent. Là, je suis encore obligé de m'enfoncer une tige deux fois par jour pour pas que mon urètre bouche, parce que j'ai encore de la peau blanchâtre au lieu qu'elle soit rose dans l'urètre. Ça m'écœure, ça me fait chier, mais ça me garde sous tension avec un rapport de force plus aiguisé avec l'esprit. Probablement que je n'aurais pas ce problème-là de santé. J'aurais pris Talon qui est décédé. J'ai arrêté en suivant l'hypnose collective et l'injonction que si quelqu'un meurt dans la famille, il faut y aller par support. La valeur de la famille a une certaine importance dans ma vie. J'ai une importance à ma compagne, à ma fille. Sauf que je vois les limites aussi, parce que notre argent est limité. Donc, notre temps aussi est limité. Puis du temps, c'est de l'argent. On vit dans un monde capitaliste. On le voit avec les revenus d'intérêt et les revenus de dividendes. Les revenus de dividendes, à chaque mois, quelqu'un qui investit peut avoir un montant d'argent. Plus qu'une dette court avec des intérêts, c'est ce qui permet à des gens d'être riches, puis à d'autres de s'empauvrir. La personne qui s'endette fait progressivement dilapider, vampiriser tout ce qu'elle a. Si elle s'enlise dans l'endettement, comme une dette de carte de crédit, comme par exemple à du 19 ou 21% d'intérêt par année, l'autre qui empoche ça, il devient de plus en plus riche. Puis le système dans lequel on vit sur le plan planétaire est faite de manière que tu as des gens qui deviennent de plus en plus pauvres, même chose pour des gens de pays qui s'endettent, puis tu as des gens qui sont les créanciers, qui prêtent l'argent au pays. Comme n'oubliez jamais que la Fédérale Réserve aux États-Unis, c'est une banque privée. Ben oui. Mais c'est les citoyens américains qui doivent payer les intérêts sur la dette. Donc, les gens qui prêtent l'argent s'enrichissent. Puis, il y a aussi les autres personnes qui s'appauvrissent. C'est ça. Moi, c'est sûr que quand j'étais plus jeune, j'ai dit il faut changer les choses, il faut être spirituel, être conscient. Puis, au niveau santé, il suffit de bénir. Oui, il y a un certain impact. L'état d'esprit, le taux vibratoire qu'on a, mais c'est pas absolu. Puis, tu as des gens qui bénissent, j'en pense à un entre autres. Qu'il a fallu que je sois opéré pour des cataractes pour les yeux, comme tout être humain qui est vieilli. Donc, je veux dire, à un moment donné, il y a des réalités biologiques qui ont de l'incidence sur des gens. Donc, quelqu'un peut bénir, mais être confronté à des problèmes par rapport aux gens qui avancent en âge, comme par exemple les genoux puis le cartilage qui rapetissent. Ça peut moduler l'expression de la génétique ou du corps humain, mais ça a ses limites. Mais c'est sûr que dans un sens, c'est mieux que rien. Mais le point que je veux faire, c'est que on est obligé de composer avec une société de parasitage malsaine. Peut-être comme là présentement, j'ai cotisé pour un régime épargne-études par rapport à ma fille. Le gouvernement du Québec donne 30% par rapport à ça lorsqu'on met de l'argent. Donc, c'est quand même intéressant. Puis l'argent va pouvoir fructifier au fil des ans si ma fille fait des études. Et mon souci premier, pragmatique, c'est de mettre de l'argent dans des choses qui performent. Donc, si j'ai le choix de mettre de l'argent dans un fonds qui est lié supposément au respect de l'environnement, qui donne un rendement moindre que le Nasdaq 100, bien, je vais en mettre dans un Nasdaq 100. Si, rendu à l'âge adulte, âgé 18 ans et plus, ma fille me reproche en disant, « Bien, écoute, tu aurais dû mettre ça dans un fonds écologique et t'avoir un rendement moindre. » Bien, je vais dire, l'argent qui a été économisé puis investi, est-ce que tu la veux? Probablement qu'elle va me dire oui. Bon, ben, puis est-ce que tu veux avoir de l'argent pour étudier? Elle va probablement me dire oui plutôt que pas en avoir. Là, puis est-ce que tu. Là, je vais dire, ben, tu peux utiliser l'argent pour une marge de manœuvre pour ta santé. Si je ne souhaite pas qu'elle ait le même problème de peau que moi, parce qu'il y a une dimension héréditaire. J'ai une autre personne dans la famille qui a le même problème que moi. En fait, deux autres. Il y a d'autres familles, ben, le problème, c'est le diabète. Il y en a d'autres, ce problème de l'intestin, et ainsi de suite. C'est en lien avec des failles génétiques. Mais le point, c'est qu'on est toujours confronté dans un système qui nous change malgré nous. Comme moi... Je ne m'aurais jamais intéressé à l'investissement autant depuis les deux dernières années puis l'investissement en crypto si j'aurais pas eu le problème de santé. Donc, je suis devenu plus pratique, moins spirituel. Puis, je regarde les choses d'une manière un peu comme les êtres humains normaux. Les êtres humains normaux sur la Terre, ben c'est... avant de faire une formation en crypto, c'est quoi que ça peut me rapporter? Ou l'investissement, c'est quoi que ça me rapporte? Puis là, les gens spirituels sur Terre vont dire, ben là, ils pensent juste au profit, ils se foutent de l'environnement ou ils se foutent de l'éthique. Ouais, mais tu t'outils de l'éthique puis du respect de l'environnement, mais si tu te ramasses pareil avec des problèmes de santé ou autre, il y a un décalage lié au fait que c'est pas parce que tu t'outils quelque chose que tu vas être protégé contre la folie humaine. Puis des fois, il faut que tu investisses dans des entreprises qui sont pas nécessairement correctes sur le plan éthique pour avoir du rendement, pour compenser pour les failles du système social. Fait que là, il y a tout un dilemme éthique derrière ça, là, qui peut avoir, puis qui peut être sujet à débat. Peut-être un jour, ma fille, avec l'esprit critique, va regretter ou avoir une critique de mes choix d'investissement, mais si elle aussi est confrontée à un problème de santé, style un problème de santé chronique, parce qu'après tout, ma belle-mère est atteinte du diabète. Bon, ben, si elle est atteinte du diabète, ça coûte une fortune à chaque mois, chose que je ne souhaite pas par rapport à, dans le fond, à de la médication en lien avec ça. Ben, elle va peut-être avoir été contente que si je peux épargner, puis économiser, puis investir pour elle, puis qu'elle peut bénéficier de ces rendements-là par la suite pour compenser le problème de santé. Sachant très bien que pour l'entreprise pharmaceutique, le diabète, ça représente quoi? Ça représente un revenu récurrent. Donc, quelqu'un qui a le diabète, c'est un peu le jackpot parce que c'est comme un abonnement Netflix à chaque mois. Dans le sens que si la personne est obligée d'acheter de l'insuline, comme on voit ça aux États-Unis, ils vendent ça à des prix super élevés, puis les personnes n'ont pas le choix de prendre son insuline pour fonctionner, bon, ben, elle est captive. Est esclave d'un marché puis une exploitation humaine par l'humain à des fins capitalistes. Donc, c'est comme ça que ça marche. Aux États-Unis, la réalité est encore plus brutale qu'au Canada. Si la personne n'a pas d'argent, elle ne sera pas soignée. Je sais des Français qui m'écoutent encore. La réalité, eux autres sont beaucoup plus à gauche que les Américains ou peut-être même les Canadiens à certains niveaux. La réalité aux États-Unis, c'est que la personne arrive à l'hôpital. Ce qu'on lui demande en premier, c'est est-ce que vous avez des assurances ou sinon une carte de crédit pour payer? Si elle n'en a pas, ça se peut qu'elle ne soit pas soignée. Puis là, il y a sans doute des Français ou des Européens qui vont dire c'est pas possible. Mais oui, mais c'est comme ça, les États-Unis. Si tu as de l'argent, tu as des soins récents, puis en plus, tu peux avoir des soins décents, puis en plus, tu peux avoir des soins à fine pointe de la technologie qu'on n'a pas encore au Canada, ni même en Europe. Pourquoi? Ben, si, par exemple, quelqu'un est atteint d'une maladie rare aux États-Unis, puis cette personne-là est millionnaire ou est très riche, mais elle peut financer des chercheurs ou elle peut financer des expérimentations, etc., pour avoir tout ce qui est meilleur. Mais si tu n'as pas d'argent, ben, tu es laissé pour compte. C'est ça le système américain pour nombreux Américains. Puis le système Dale Care, l'Obamacare qui a été mis en place sous le régime d'Obama. Bon, ben récemment, j'écoutais une émission de radio qui disait, ben Donald Trump, là, par rapport au système de soins de santé, il va priver des millions d'Américains de soins de santé avec les coupures qu'il a faites. Donc, tu as des millions de personnes aux États-Unis qui n'auront pas accès à une couverture médicale minimale. Puis là, l'autre animateur dit « Ah, ça doit être par rapport à des immigrants illégaux. » Non, non. Des Américains. Puis là, les gens ne croyaient moi pas sur parole. Faites vos vérifications. C'est la réalité. Hein. Fait que soit que tu as de l'argent, puis tu peux avoir des soins décents de santé, ou soit que tu n'en as pas. Puis moi, dans le fond, quand je regarde ça, c'est sûr que j'aimerais ça pouvoir investir dans des entreprises qui sont éthiques ou conformes à mes valeurs. Mais si j'ai pas de rendement qui me permette de me payer des soins de santé décents par la suite ou de répondre à mes besoins en tant que parent par rapport à ma fille ou mes responsabilités familiales ou par rapport à ma conjointe, c'est pas intelligent. Fait que je suis pris dans une mécanique. Mais c'est ainsi, je veux dire. Puis à un moment donné, toutes les entreprises ont réussi à s'ajuster sous la pression populaire. Mais tout ça pour dire quoi? Ma vie, c'est pas ce que je veux en passant. Je fais pas ce que je veux dans ma vie, je fais ce que je peux, ce qui est pas pareil. Puis, des fois, je pense écrire un livre, une histoire. La personne vient d'une autre réalité, est consciente, elle s'incarne dans un scénario de vie sur la Terre, puis elle dit, ben là, je vais enseigner aux gens c'est quoi la conscience. Là, elle se rend compte que la personne, c'est un avatar, là, puis elle vient d'un autre plan de réalité, qui a un autre taux vibratoire, puis une autre conscience. Elle se rend compte que les gens, ils n'en veulent pas. Fait que là, elle donne de l'instruction supramentale, ils n'en veulent pas plus. Des conseils ou de l'information pour favoriser la santé, ils n'en veulent pas plus. Puis là, il dit, ben, je vais m'attaquer à quelque chose de plus basique, là, comment aider les gens à être plus riches puis sortir de la pauvreté. Puis en général, les gens n'en veulent pas. Fait que là, la personne, toutes ses raisons de mission spirituelle pour l'humanité, que ce soit amener une conscience différente, favoriser la santé physique, mentale, financière, elle se rend compte qu'il n'y a rien à faire. Fait que c'est très bon pour la déspiritualisation. Donc, le scénario de l'histoire, c'est que la personne, c'est un ange qui s'incarne dans la matière. Il vise à accomplir sa mission, puis il se rend compte que c'est un échec. Fait que finalement, ben, il prend ça relax, puis il regarde l'humanité sombrer dans la déchéance. Il vit sa petite vie tranquille, mais avec la conscience que même s'il voudrait aider les autres ou changer leur vie, ça se peut qu'ils n'en veulent pas, ou que la plupart n'en veulent pas, en fait. Sur la Terre, je fais des prédictions. Des fois, elles sont négatives, mais le problème, c'est que ça se réalise. Comme là, on va voir, j'espère me tromper, mais j'ai l'impression que tout le complexe, dans le fond, des entreprises en lien avec l'intelligence artificielle, le contrôle de l'information, comme Palantir, là, lié à la CIA, qui a connu beaucoup de valorisation dans les dernières années, j'ai l'impression que c'est pas fini. Surtout si la CIA finance l'entreprise, ça, c'est documenté. Pour des développements technologiques. Puis que c'est pas nécessairement les entreprises qui sont conformes à mes valeurs qui prennent de l'ampleur, mais je suis obligé de composer avec le fait. Pour ce qui est des crypto-monnaies, des fois, je trouve ça quasiment humiliant. Là, tu sais, comme Donald Trump, il y a un plan pour les gens de la Palestine en leur disant, ben si vous quittez un plan qui peut être mis en place, là, c'est-à-dire que si vous quittez votre territoire puis allez ailleurs, on va vous donner des tokens. Là, j'avais entendu une vidéo pour être, puis un certain montant d'argent pour être soutenu là, pour au niveau habitation un certain nombre d'années pour aller ailleurs, pour déplacer ces gens-là. Mais quand il a dit le mot « token », ça a été dit le mot token, j'ai pensé crypto-monnaie. Fait que là, j'espère qu'il ne donnera pas au Gazaoui des meme coins de Donald Trump. Tu sais, il donne des tokens puis c'est du bitcoin. Ben là, ça devient intéressant. Parce que l'autre a le jeton à son effigie de sa grandeur qui a été généré là, au début de l'année 2025 Au début, quand ça sortit, ça a eu beaucoup de popularité. C'était, dans mon souvenir, au-dessus de 45 $ US. Puis après ça tombait à peu près à 8 $ américains. Puis ça n'a pas remonté. Fait que là, ils donnent de tout ça au monde de la Palestine en disant, on va vous donner des jetons, vous allez vivre ailleurs, vous allez vivre avec ça. Ben, non. Mais si c'est du Bitcoin, puis le Bitcoin va peut-être passer de valeur d'à peu près 100 000 US dans quelques années à 1 million US. Ah, ça devient un petit peu plus intéressant. Mais quoi qu'il en soit, la crypto-monnaie associée à une blockchain est une technologie de contrôle. Ça sert l'agenda mondialiste. Puis les deux fils de Trump qui font du minage de Bitcoin puis ils investissent là-dedans. C'est sûr que ces gens-là, ça peut être possible qu'ils fassent pression auprès de leur papa, Donald Trump, pour qu'il y ait une adoption des crypto-monnaies, puis il fait qu'il y a une crypto-monnaie, les fichiers de Donald Trump vont dans ce narratif-là. Fait que tout ça va probablement lever, puis l'adoption mondiale des crypto-monnaies va se faire de plus en plus. Puis l'année 2025, comme les prochaines années, vont être probablement des années charnières là-dedans, où on va connaître de la valorisation par rapport à Bitcoin, Solana, XRP, les plus grandes crypto-monnaies. Donc, en passant, l'enregistrement à présent n'est pas un conseiller en investissement, je ne suis pas conseiller financier, sauf que le point, c'est que je vois l'élan qui est là. Est-ce que personnellement, ça me plaît? Pas nécessairement, mais c'est le courant est là. La technologie, là, mettons, l'énergie libre que. Il y a des questions là, que Nikola Tesla d'implanter ça à l'échelle de la Terre, puis d'une entreprise comme Tesla, justement, d'Elon Musk, fasse vraiment des autos qui fonctionnent à l'énergie libre. J'ai l'impression que ça ne se ferait pas. Puis même si ça existerait, j'ai l'impression qu'il n'y aurait pas une volonté d'investir là-dedans. Pourquoi? Parce que ce qui permet d'être riche, c'est de créer des situations de dépendance, comme par rapport à l'insuline. Ou l'auto électrique, il faut que tu recharges, puis tu remets de l'énergie, puis tu as un compteur dessus pour te contrôler. Parce que si tu n'as pas de compteur sur l'appareil et qu'elle génère tout le temps de l'énergie, là, on aurait une émancipation réelle. Mais ce n'est pas voulu par les dirigeants, ce n'est pas voulu par personne. Je ne connais pas dans les SP500 ou le Nasdaq 100 aucune entreprise qui va permettre ça. Mais ce que je capte, qui ne me plaît pas, c'est que c'est toujours les entreprises de contrôle qui amènent une dépendance au sein de l'individu qui sont en vogue. Mais c'est comme ça. Puis sinon, les crypto-monnaies, ben. Comme le Bitcoin, tu peux, dans un sens, c'est bon parce que c'est transparent, parce que tu peux tracer, il y a la traçabilité des transactions qui sont enregistrées sur la blockchain de chacune des transactions qui sont faites en lien avec le Bitcoin. Par contre, le point que ça peut éviter, dans le fond, l'utilisation d'argent en crypto pour le Bitcoin, dans le fond, ça sera utilisé pour la corruption, le crime organisé, la prostitution, le gangstérisme, etc. Parce que les transactions avec le Bitcoin sont traçables. Tout est enregistré, puis tu as des numéros par rapport à des utilisateurs qui font une transaction à un autre numéro d'utilisateur. On n'a pas nécessairement leur nom d'affiché, puis leur prénom, mais quand même, on peut suivre les mouvements d'argent sur le web. Ça, c'est pas nécessairement mauvais, mais le point, c'est toujours des technologies de contrôle. Mais le courant est là. Comme là, le courant que je perçois au mois de septembre, c'est hausse importante du Nasdaq 100, dont plusieurs technologies de contrôle. Puis ça va continuer dans les prochains mois. On verra bien, mais ça, c'est la vague que je perçois. Est-ce que je suis en accord avec le plan moral? Non. Mais est-ce que c'est utile pour avoir de l'argent pour me payer mon urologue? Parce que la situation dégénère, là, il va falloir que je sois réopéré de nouveau par l'urologue. Ça va coûter des milliers de dollars, et ainsi de suite. Je ne souhaite pas ça, mais. Faut que je pallie aux limites terrestres. Puis si les êtres spirituels pallient pas pour moi, ben à ce moment-là, je vois pas la pertinence d'investir de l'énergie par rapport aux êtres spirituels ou même aux êtres décédés. C'est sûr que si la conscience de mon oncle existe toujours, puis de se faire parler comme je peux parler, puis me trouver arrogant, je le comprends, mais faut qu'il comprenne aussi qu'il est décédé, que je suis pris dans un contexte capitaliste, puis je dois composer avec. Chaque chose que je fais représente une dépense d'énergie. Un être décédé en tant que conscience libre d'un corps physique, que ce soit un endroit ou un autre, il n'y a pas besoin de payer de frais de transport liés à l'automobile. Il n'y a pas besoin de payer de la nourriture. Si je n'avais pas besoin de manger, si je n'avais pas besoin de me soigner sur le plan médical, puis aussi de moyens de transport parce que je pourrais me téléporter d'un endroit à l'autre d'une manière instantanée. mon discours pourrait être différent. Mais vu que ce n'est pas le cas présentement, je dois composer avec mes limitations liées à mon contexte planétaire d'une manière intelligente. Puis de manière à ne pas me faire manger la laine sur le dos. Puis c'est important de se protéger de l'occulte, puis pas croire, puis arrêter de se sacrifier pour des raisons de service spirituel, puis de réaliser toutes les limites que ça peut avoir. Néanmoins, je veux terminer l'enregistrement en souhaitant que la conscience se rapportant à mon oncle décédé repose en paix, que je n'ai rien contre lui de manière personnelle. De toute façon, s'il n'y a pas un taux vibratoire parce qu'il n'a pas été modifié par les plans systémiques en lien avec des oppositions qui ont altéré sa psyché et la pénétration d'énergie supramentale, s'il ne vit pas ça, c'est pas de sa faute. Si vous voulez, je vous dise. Si moi je vis des choses que lui ne vit pas, ben c'est pas de ma faute non plus à un certain niveau. Là, ça devient délicat parce qu'on entre dans la question de la responsabilité humaine puis du libre-arbitre. Mais bon, sur ces considérations, je vais arrêter l'enregistrement en disant que, tout simplement, que mon rapport aujourd'hui avec les êtres décédés de ma famille ou des amis, bon, c'est des gens que j'ai loué des liens, je peux aller à leur funérailles, mais sinon, je me sens pas obligé, pour des raisons d'affiliation génétique, d'aller aux funérailles, là. C'est ce que je voulais mentionner. Je complète cet enregistrement en vous remerciant de votre écoute et en vous disant à bientôt. Au revoir.